Ma chérie, si on s'en allait, on tourne en rond depuis tant d'années. Qu'est-ce qui t'arriverait de t'emballer? Le regard déjà, moi je m'emballais. D'après les circonstances et tant d'années, tu m'as saoulé depuis tant d'années. Tu vas pleurer quand j'ai t'abandonné. Je te laisse au Audi pour te consoler. Yeah, mi amor, qu'est-ce que j'ai fait encore? On dirait que tu veux ma mort. Elle croit que tout est acquis. Elle fait la marque quand elle se maquille. Mi amor, qu'est-ce que j'ai fait encore? On dirait que tu veux ma mort. Elle croit que tout est acquis. Pour l'oublier, je fume sa baquille. Toute la nuit en train de téléphoner. Tes copines font que t'emboucaner. Moi je suis tranquille, je suis posé, je suis calé. Yes, tu viens me les casser. D'après les circonstances et tant d'années que tu m'as toujours fait galérer. Au fait que t'es capable de me donner. Même ta grand-mère ne peut pas te raisonner. Yeah. Mi amor, qu'est-ce que j'ai fait encore? On dirait que tu veux ma mort. Elle croit que tout est acquis. Elle fait la marque quand elle se maquille. Mi amor, qu'est-ce que j'ai fait encore? On dirait que tu veux ma mort. Elle croit que tout est acquis. Pour l'oublier, je fume sa baki. Répète.